L'invitation au bon comportement. Ibn al-Qayyim, rahmahullah, a dit: Allah est tout miséricordieux. Il aime ceux qui sont miséricordieux. Il ne fait vraiment miséricorde qu'à ceux qui sont miséricordieux parmi ses adorateurs. Il est celui qui cache les faiblesses humaines. Il aime celui qui cache ainsi les faiblesses de ses semblables, de façon à éviter le scandale. Il est indulgent. Il aime celui qui se montre indulgent vis-à-vis de ses adorateurs. Il est tout pardonnant. Il aime celui qui leur pardonne. Il est bienveillant. Il aime celui qui se montre bienveillant vis-à-vis d'eux. Il déteste la parole dure et rude, arrogante et prétentieuse. Il est doux. Il aime la douceur. Il est longanime. Il aime la longanimité. Il est bon. Il aime la bonté et les gens de bien. Il est juste. Il aime la justice. Il accepte les excuses. Il aime ceux qui acceptent les excuses de ses adorateurs. Il récompense son adorateur dans la mesure où il porte ou ne porte pas ses qualités, de sorte que celui qui est indulgent, il se montre indulgent vis-à-vis de lui. Il pardonne à qui pardonne, est clément vis-à-vis de celui qui est clément. Il est au contraire précis à relever les erreurs de celui qui relève les erreurs d'autrui pour faire valoir ses droits. Il est doux vis-à-vis de celui qui est doux pour ses adorateurs. Il fait miséricorde à qui est miséricordieux vis-à-vis de ses créatures. Il est bienfaisant vers celui qui est bienfaisant envers elles. Généreux pour qui se montre généreux pour elles. Utile pour qui leur est utile. Il cache les faiblesses de qui cache leurs faiblesses. Il se détourne des erreurs de celui qui se détourne de leurs erreurs. Il découvre les faits intimes et honteux de celui qui cherche à découvrir leurs faits intimes et honteux. Il déshonore et livre au scandale qui les déshonore. Celui qui s'oppose à Allah, il s'oppose à lui. Allah use de stratagèmes envers celui qui ruse contre lui. Il égare qui cherche à le tromper. En règle générale donc, celui qui se comporte vis-à-vis des créatures d'Allah selon une qualité, Allah se comporte vis-à-vis de lui selon cette même qualité, sur terre comme dans l'au-delà. Allah le Très-Haut est pour son adorateur comme celui-ci est pour sa créature. C'est pourquoi le hadith rapporte, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Celui qui protège un musulman, Allah le Très-Haut le protégera en ce bas monde et dans l'autre. Celui qui soulage un croyant d'une affliction de ce monde, Allah le soulagera d'une affliction au jour de la résurrection. Celui qui vient en aide à qui se trouve dans la gêne, Allah le Très-Haut rendra léger son jugement. » Hadith rapporté par l'imam muslim. Source: Al-Wabil al-Sayyib wa Rafi' al-Kalim al-Tayyib. La vertu du bon comportement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: rien ne pèse plus dans la balance que le bon comportement, et le bon comportement d'une personne lui fait atteindre le degré de ceux qui prient et jeûnent assidûment. Hadith rapporté par Abu Dawud, Tirmidhi, qu'Allah leur fasse miséricorde. Le comportement adopté envers les innovateurs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui respecte un innovateur a aidé à la destruction de l'islam. Rapporté par l'imam Hakim, rahmahullah, de la part d'Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque innove ou héberge un innovateur à Médine a sur lui la malédiction d'Allah, des anges et de toute l'humanité. Rapporté par le Bukhari muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde.